En 1957 paraît La Grève, traduction française de Atlas Shrugged, le roman d'Ayn Rand qui connut aux États-Unis un succès phénoménal qui ne faiblit pas. Imaginez-vous, près d'un demi-siècle plus tard, en 2001, un sondage révèle que la majorité des personnes interrogées tient La Grève pour le livre qui a eu le plus d'impact sur leur vie après la Bible. Le lanceur d'alerte Edward Snowden, Hillary Clinton, Ted Cruz et même Donald Trump la citent comme influence intellectuelle principale. Alors qui est Ayn Rand? Et surtout, comment prononce-t-on son nom? Vous vouliez intégrer les forces spéciales? Oui, monsieur. C'est leur devise que j'aime beaucoup, Deo Presso Liber. C'est ce que vous espérez faire chez nous? Libérer les peuples de l'oppression? Je voudrais contribuer au rayonnement de mon pays dans le monde. Vous avez d'autres influences? Oui, je dirais Joseph Campbell, Star Wars, Soro, Ayn Rand. Un homme peut arrêter la marche du monde à lui seul. C'est d'elle, ça, non? C'est exact, et c'est ma conviction. And now, Last Week Tonight asks, how is this still a thing? This week, Ayn Rand. How is she still a thing? Three decades after her death, the writer Ayn Rand is still the subject of serious debate, and not just over how to pronounce her name. Ayn Rand or Ayn Rand or however the moderns pronounce it. Ayn Rand, not Ayn Rand. Ayn Rand, Ayn Rand. Told it's Ayn Rand. Ayn Rand, more than anyone else, did a fantastic job of explaining the morality of capitalism. I am a big fan of Ayn Rand and read all of her novels. Now let me encourage any of you who have not read Atlas Shrugged to go tomorrow, buy Atlas Shrugged and read it. Bonjour Alain Laurent. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Comment prononcez-vous le nom de la personne qui a écrit le roman intitulé La Grève dont nous parlons ce matin? Oh, bon, moi j'ai tendance tout de même à le franciser, hein, Ayn Rand, mais je me fais parfois reprendre aux États-Unis, mais il y a 36 manières de le prononcer, puis aussi un côté un peu chic, un peu snob aussi, de le prononcer d'une certaine manière, hein, Ayn Rand. Donc comment est-ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est à vous de décider. Oh, j'allais dire en français. Ayn Rand? Voilà. Ah oui, non, carrément. Non. Ayn Rand. Ayn Rand. Ouais, à bon. Mi-chemin. Comment s'est-elle rendue aussi antipathique? Parce qu'elle est extrêmement connue. On a entendu, alors peut-être vous avez entendu un extrait du documentaire sur Edward Snowden qui cite, alors qu'il se fait interroger par la CIA justement en vue peut-être de l'embaucher, qui cite Ayn Rand comme une de ses influences intellectuelles principales. Ted Cruz, j'ai cité Hillary Clinton, même Donald Trump. Comment se fait-il qu'elle soit sur toutes les lèvres et qu'en même temps, les gens la haïssent autant? Pas les gens. Une partie des gens, je dirais, ceux qui ne peuvent pas du tout adhérer à sa critique radicale du socialisme, de l'étatisme, etc., et qui lui reprocheront une adulation sans nuance du capitalisme. Donc voilà. Donc, a raison. Oui. De même qu'elle se montre volontiers manichéenne, eh bien, il y a une sorte de rejet manichéen d'Ayn Rand, ce contre quoi j'ai tendance à m'insurger, parce qu'on la prend toujours, c'est le même qui le dit d'ailleurs, pour principalement être l'avocate du capitalisme, etc., alors qu'elle dit, mais moi je suis avant tout une philosophe de la raison, et c'est de ça que je peux déduire ma défense du capitalisme. Donc, elle se situe tout à fait autrement qu'on ne le dit actuellement. Sa revendication principale, c'est d'être une écrivaine d'une part, mais surtout une philosophe. Voilà. Ce qu'elle est à part entière, même si elle s'est essayée aux formes plus romanesques, dont le roman La Grève dont on va parler ce matin, il s'inscrit parfaitement dans cette série d'émissions que nous proposons autour de La Grève. Ayn Rand, de son vrai nom Alyssa Rosenbaum, est née en 1905, morte en 1982, elle est d'origine russe, elle arrive aux États-Unis et effectivement ce roman-là connaît un succès retentissant. Est-ce qu'aujourd'hui on arrive à analyser pourquoi? Bon, il y a des raisons circonstancielles, c'est-à-dire que ça arrive à un moment, donc en 1957, où les États-Unis sortaient, mais de façon très très laborieuse, d'une longue période où en effet on avait tendance à vouloir tout réglementer à la suite du New Deal, où on ne jurait que par l'État, le social, et sans doute une majorité de l'opinion on était tout à fait saturé, mais ne s'exprimait pas en tant que tel. Donc ce roman arrive presque à point nommé pour en effet révéler à eux-mêmes des individus qui avaient tendance à penser que c'est, tout ça était trop dans le domaine du social étatique, de la réglementation, des intrusions de l'État, etc. Par ailleurs, elle, quand le roman paraît en 1957, elle est déjà fort connue, puisqu'elle avait publié en 1943 un autre roman qui a eu un fantastique succès, c'est donc qui a été traduit en français sous le titre La source vive, The Fountain Head, et ça, il avait déjà été vendu à des millions d'exemplaires, et c'est sous la pression de ses lecteurs enthousiastes du premier roman, celui de 1943, qu'elle s'est lancée dans une gestation au long cours, puisque l'écriture, la préparation de la grève a pris pratiquement une dizaine d'années. Voici comment elle se présente, on va lui laisser la parole. Alors on entendra sa voix un peu après, mais dans la postface du roman La Grève, qu'on trouve aux éditions Les Belles Lettres, on trouve une présentation écrite d'Ayn Rand par elle-même. Elle dit « J'ai décidé d'être écrivain à l'âge de 9 ans. Et tout ce que j'ai entrepris par la suite participait de cet objectif. C'est par choix et par conviction que je suis devenue américaine. Je suis née en Europe, mais j'ai émigré aux États-Unis parce que c'était un pays fondé sur des principes moraux qui étaient aussi les miens, où l'on pouvait écrire en toute liberté. Pour gagner ma vie, j'ai dû me battre et faire des petits boulots jusqu'à ce que mes écrits m'apportent une réussite financière. Personne ne m'a aidée et à aucun moment, je n'ai considéré que quelqu'un devait me venir en aide. À l'université, j'ai choisi de faire des études d'histoire avec option philosophie. L'histoire pour acquérir une connaissance factuelle du passé des hommes, la philosophie pour déboucher sur une définition objective de ce qu'étaient mes valeurs. J'ai découvert que si l'on pouvait apprendre la première, il m'appartenait d'élaborer la seconde. Aussi loin que je me souvienne, ma philosophie n'a jamais changé. La seule dette que je me reconnais sur le plan philosophique est envers Aristote. Je suis en total désaccord avec une bonne partie de sa philosophie, mais sa définition des règles de la logique et des moyens cognitifs de l'homme est d'une telle hauteur de vue que par comparaison, ses erreurs sont sans importance. Les titres des trois parties de la grève sont un hommage que je lui rends. Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons de la grève ce matin en compagnie du philosophe Alain Laurent. La grève, c'est le titre du roman de la philosophe Ayn Rand. Vous avez proposé une biographie d'Ayn Rand, c'était il y a 10 ans, Alain Laurent, et depuis vous ne cessez d'intervenir à son sujet. Vous êtes devenu le spécialiste français d'Ayn Rand. Vous nous direz à la fin de l'émission si vous commencez à en être là ou si elle est de bonne compagnie. En tout cas, le texte que j'ai lu est une manière à la fois de la présenter et puis d'arriver au roman La Grève, puisqu'elle dit à quel point était important pour elle l'indépendance, l'autonomie, l'intelligence. Le terme d'objectivité est apparu, on y reviendra, c'est comme ça qu'elle définit sa philosophie, l'objectivisme. Et puis, la dette envers Aristote qui s'exprime dans le plan même de ce roman. Le titre des trois parties du roman La Grève, c'est 1. Non-contradiction, 2. Ou bien, 3. A est A. Ça fait un peu scolaire dit comme ça, alors que le roman, lui, au contraire, a quelque chose d'absolument narratif et même proche de la science-fiction. Ah oui, c'est une présentation, là, ce triptyque, qui pourrait presque être dissuader un lecteur, un amateur de thriller, alors que le roman est un véritable thriller. Mais, en effet, comme elle le dit elle-même, c'est un hommage à la logique d'Aristote, à la rationalité et au fait que Aristote pense que rien ne vaut la raison pour en effet appréhender le réel, la réalité est une réalité qui est gouvernée par un certain nombre de lois. Alors ce qui est tout à fait remarquable, c'est que en fait la grève Atlas Shrugged en américain. Atlas, donc Atlas est celui, le titan qui tient le ciel sur ses épaules. Qui tient le monde sur ses épaules. Shrugged en anglais. C'est un haussement d'épaules. Voilà. Donc c'est presque intraduisible en bon français littéraire, hein, sauf si on prend une autre tournure. Et il faut savoir que la grève était le titre de travail, le working title, qu'elle a conservé pendant des années, puisqu'en effet, c'est une grève d'un genre tout à fait particulier, donc The Strike, c'était ça. L'éditeur lui a fait remarquer au dernier moment que ça pouvait être d'une part ambigu et que d'autre part ça vendait peut-être un peu trop vite la peau de l'ours, parce qu'il y a quelque chose de très mystérieux qui se passe pendant tout le roman, donc c'est Grève et qui ne dit pas son nom, et le lecteur va découvrir en effet peu à peu de quoi il s'agit vraiment. C'est ça, si le titre était La Grève, The Strike en anglais, c'était une sorte de spoiler, de façon de divulgâcher, comme on dit aujourd'hui, voilà. le contenu même oui, du livre. Oui, c'était ça la crainte, oui. Alors dites-nous, de quel type de grève s'agit-il ? Alors c'est une grève à l'envers. Alors une grève à l'envers, c'est pas du tout la grève d'employeurs par rapport à leurs employés ou à leurs salariés. C'est la grève d'un certain nombre de personnes qui sont des créateurs, des producteurs, des entrepreneurs et qui ne supportent plus d'être d'une part, enserré dans une foule de réglementations, donc c'est une fiction tout à fait, ça s'inspire quelque peu des États-Unis du début des années 1940, et puis d'autre part, d'être dépossédé, ça c'est central dans le roman, d'être dépossédé de leurs droits sur leur œuvre. Et ça, c'était déjà présent dans le roman précédent, dans The Fountainhead, Howard Hawks est un architecte qui est en guerre contre ceux qui veulent lui dénier son droit de propriété sur son œuvre et qui va même jusqu'à dynamiter des constructions qu'il a faites parce qu'on les a détournées de la destination que lui leur affectait et qui préfère parfois vivre pauvre plutôt qu'abandonner ses droits de créateur sur son œuvre. Et c'est un thème que reprend Ayn Rand, sauf qu'ici, alors c'est là qu'on commet souvent un contresens, c'est ce qui est mis en jeu dans les grèves, ce ne sont pas des banquiers, ce ne sont pas des capitalistes, ça, ce sont surtout des... le personnage central, John Gould, c'est un ingénieur et un inventeur qui a inventé un nouveau moteur qui doit débarrasser définitivement l'humanité de tous ses problèmes d'énergie. C'est la première source d'énergie propre qui ne va pas du tout polluer. C'est ça, d'ailleurs, il y a un côté écologie chez Ayn Rand qui est tout à fait étonnant, hein, parce que donc vous le voyez, ça fait beaucoup plus d'un demi-siècle que c'était publié. Et ce qui se passe, c'est que... Alors moi, j'ai glané quelques citations, parce que souvent, le personnage central, John Gould, explique à son auditoire, quand il y a cette fameuse émission de radio dont on parlera peut-être... Oui, dans le livre, pas celle que nous sommes en train de faire. Mais voilà pourquoi nous sommes en grève. Ça n'apparaît qu'à la fin du roman, parce que pendant les deux premiers tiers du roman, on ne sait même pas qu'il s'agit d'une grève, c'est très mystérieux. Voilà, c'est ça qui est très réussi dans le roman, c'est qu'on sait qu'il passe quelque chose, mais on ne sait pas qu'il s'agit d'une grève. Et c'est une manière tout à fait étonnante de faire un piquet de grève, c'est de disparaître, et disparaître de circulation. Donc les gens les plus talentueux, chacun dans leur domaine, il y a un philosophe, il y a un compositeur de musique, il y a un autre un ingénieur, et bien, brusquement disparaissent de la circulation. Et à la fin, celui qui est l'instigateur de tout cela, John Gould, explique pourquoi ils sont en grève. Alors j'ai gagné quelques explications. C'est la grève de ceux qui ont porté le monde sur leurs épaules. Atlas. Et il dit alors quelque chose de tout à fait curieux, surtout dans le contexte présent. Nous allons satisfaire nous-mêmes nos revendications. C'est-à-dire, il ne demande rien à personne, sinon qu'on les laisse faire, qu'on les laisse en paix, qu'on ne les pille pas. Il dit aussi, c'est la grève des hommes de l'esprit. Donc c'est pas du tout la grève de riches ou bien de propriétaires d'entreprises, etc. Les hommes de l'esprit, ça se définit essentiellement pour Ayn Rand comme ceux qui créent et qui produisent, qui produisent un certain nombre d'œuvres. Ça peut être des œuvres musicales, ça peut être un roman, ça peut être un nouveau moteur, etc., etc. Et puis, il termine en disant, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, nous sommes en grève contre vous, au nom d'un seul axiome, l'existence existe. Alors ça prend place à côté du A et A, qui est le titre de la dernière partie. Alors, vous en avez trop dit pour que nous ne devions pas, à ce moment de l'émission, expliquer quand même où se situe ce que vous êtes en train de dire. Parce que là, du coup, on est en plein milieu du roman, même assez bien avancé. Ah oui, tout à fait. C'est autour de la page 1000. Alors, ça donnera une idée à l'auditeur qui ne connaît pas le texte de quel type du roman il s'agit, hein, puisqu'on en est à plus de 1150 pages. John Galt. Alors, il y a une espèce de ligne, il y a une espèce de phrase qui revient à plusieurs reprises dans le roman, qui est John Galt. Et on ne sait pas qui est cette personne jusqu'à ce qu'on le rencontre. Le lecteur le rencontre au même moment que l'un des personnages principaux le rencontre. Et alors qu'il doit faire une allocution, enfin, une allocution à la radio est prévue et ce jungle prend la parole. Mm-hmm. Et alors c'est quoi, 80 pages je crois dans le roman qui sont en fait... Ça fait un peu plus, oui. Ouais, presque une centaine de pages. Autour de ça, j'ai calculé que ça faisait un quinzième du roman. Un quinzième du roman, qui est le lieu de cette allocution radiophonique de jungle, qui est en fait l'occasion pour Ayn Rand d'exprimer aussi sa pensée philosophique. Voilà. Donc il faut bien comprendre que c'est à la radio et que c'est sous forme de sabotage. Enfin, c'est lui qui impose sa parole. Moi, je pense que c'est la première émission pirate de l'histoire de la radio, puisqu'au moment où le président des États-Unis doit s'exprimer, brusquement, c'est quelqu'un d'autre qui parle à sa place. Voilà, c'est ça. Et c'est John Galt. On écoute un extrait, si vous le voulez bien, par la comédienne Hélène Losser, et puis on commentera ensuite les présupposés philosophiques qui sont très présents tout au long de ce texte. Nous, les hommes de l'esprit, les cerveaux, nous sommes en grève désormais. Nous sommes en grève contre une société qui nous immole à l'intérêt général. En grève contre une société pour laquelle il n'est nul besoin de mériter une récompense pour l'obtenir, pas plus qu'il n'est besoin d'en accorder à ceux qui la méritent. En grève contre une société qui condamne la quête du bonheur individuel. Nous sommes en grève contre la doctrine selon laquelle la culpabilité est consubstantielle à la vie. Mais notre grève est différente de toutes celles qui ont été menées au cours des siècles. Nous n'avons pas l'intention de formuler nos revendications, mais de les satisfaire. Votre code moral nous désigne comme nuisibles. Nous ne vous nuirons pas plus longtemps. Vos économistes nous disent inutile. Nous ne vous exploiterons pas davantage. Vos politiques nous prétendent dangereux, bons à enfermer. Nous ne vous menacerons plus, sans nous laisser pour autant enchaîner. D'après vos philosophes, nous ne serions qu'illusions. Nous ne vous aveuglerons plus et vous laisserons libre de regarder la réalité en face. La réalité que vous vouliez. Le monde tel que vous l'avez devant vous aujourd'hui. Un monde privé de raison. Faire grève au nom de la raison, c'est de cela qu'il s'agit, Alain Laurent. Oui, c'est tout à fait inédit, évidemment, et ça ne s'est jamais reproduit d'ailleurs depuis dans la réalité. Et on vient à la source d'inspiration principale d'Ayn Rand, à Aristote. Ce qu'elle reproche à ces États-Unis de fiction, donc ils sont au centre du roman, c'est en effet au fond un négationnisme de la réalité. Et la réalité pour Ayn Rand, c'est d'ailleurs il y est fait allusion dans le passage qui vient d'être lu, c'est il y a ce que l'on mérite et ce que l'on ne mérite pas. Et ce que l'on mérite doit être le fruit de nos propres efforts, intellectuels, dans ce qu'on a appelé déjà la créativité. Et comme tout cela a tendance à disparaître dans le contexte du roman, eh bien, John Galt est celui qui, mais de façon tout à fait clandestine, en quelque sorte, est l'instigateur du départ, du retrait de leur activité d'un certain nombre de grands créateurs dans tous les domaines. Ils se mettent en grève. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment Ayn Rand a eu cette idée de grève. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en 1945, soit deux ans après l'apparition de son premier grand roman, La Source Vive, eh bien, des lecteurs lui ont demandé plus. Il faut que vous reveniez, que vous nous expliquiez ceci, cela. Et un jour, à l'éclat de colère, ce qui lui était assez facile, elle n'attendait que ça, elle dit, mais je ne dois rien à mes lecteurs, si ça continue, je vais me mettre en grève. Et l'une de ses amies qui était présente à ce moment-là lui dit, mais c'est une excellente idée de nouveau roman. Qu'est-ce qui se passerait si ce qu'elle appelle les hommes de l'esprit, les créateurs en tout domaine, s'arrêtaient, en effet, de produire quoi que ce soit, parce que ils sont le fruit de la cupidité des autres, de toutes ces réglementations, de tout ce qui entrave leur action, et principalement, on y revient toujours, d'un droit de regard quasiment absolu sur ce qu'ils ont produit et créé. Et c'est ce qui se passe avec le héros principal du roman, John Galt. Alors, John Galt, c'est un étudiant pauvre qui a imaginé un nouveau type de moteur et très vite, à la fois, d'une part, l'État, mais aussi d'autres entreprises privées veulent s'emparer de sa découvertes pour l'exploiter à leur profit. Il se révolte contre cela, et c'est à partir de ce moment-là qu'il devient l'instigateur occulte de cette grève. Oui, parce que la description qui nous est proposée dans le roman n'est pas simplement celle d'un monde duquel les intellectuels et les artistes auraient disparu. Mm-hmm. La trame narrative repose quand même sur Danny Taggart, par exemple, qui est la vice-présidente de la Taggart Transcontinental Railroad Company, donc qui travaille pour une entreprise de chemin de fer et qui est en guerre contre les planificateurs de l'État. Oui, alors il y a plusieurs trames qui cheminent de façon complexe et interfèrent les unes avec les autres. Alors la première, c'est celle que je viens d'écrire, mais ni les contemporains dans le roman, ceux qui vivent tout ça, ni le lecteur ne comprennent vraiment de quoi il s'agit. Simplement, il y a des gens qui disparaissent. Et l'autre trame, la plus visible du roman, alors elle est double, il y a évidemment Dagny Taggart, donc qui est la présidente directrice générale d'une compagnie de chemin de fer, et puis en même temps quelqu'un d'autre qui est extrêmement important, qui s'appelle Hank Reardon, qui lui est un industriel et en même temps un inventeur aussi, on vient toujours, hein. Il y a un côté prométhéen et oui. J'allais dire presque d'adoration de la technique chez Ayn Rand. Et alors ce Hank Reardon, il est propriétaire d'une aciérie, et sa grande idée, c'est d'avoir réussi à créer un nouveau type de métal, ce qu'on appelle d'ailleurs le métal Reardon. Et ce métal Reardon, Dagny Taggart, la présidente de la compagnie de chemin de fer, veut se le procurer pour rééquiper en rail plus résistant sa société de chemin de fer. Et alors, ils sont en butte à un tas d'embûches, de traquenards de la part de l'État, et c'est pourquoi... Alors, eux, ils voient bien aussi qu'il y a un tas de gens qui disparaissent, mais ils sont hostiles, ils disent, mais quel est le salopard qui est en train de faire disparaître tout le monde? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un derrière tout ça? Parce que eux, leur idée, c'est de continuer à créer et produire, et non pas de s'abstenir et de disparaître. Et à un moment donné, tout cela, ce télescope, à la fois Hank Reardon et Dagny Taggart, à la fin du roman, découvre qui est vraiment John Galt. Hein, ce qui scande le roman, Who is John Galt? À la fin, ils le savent, mais au début, ils sont tout à fait opposés à lui. Je vous laisse tout, vous comprenez? Ce que vous nous proposez, c'est l'autogestion, quoi. Ben voilà. Vous voulez qu'on dirige le groupe nous-mêmes? Et c'est ça que vous voulez dire? C'est ça que je veux dire, puisque je me tire. Eh oh, ça va pas, ça. Nous, on veut pas avoir une responsabilité pareille sur le dos. On est très content de la façon dont se passent les choses actuellement. Si vous pouvez nous faire gagner un peu plus de sous, tant mieux. Oui, puis alors. Oui, puis sorti de là, nous, on veut pas se filer dans les emmerdements. Je crois exprimer l'opinion générale. Hein. Ah, oui, absolument. Vous êtes bien des tocards. Mais être patron, c'est un état d'esprit. Et nous, on l'a pas. Non. Alors voilà, vous vous débrouillerez avec ça. Moi, je me tire. Et où allez-vous? Je vais en vacances. Quand je reviendrai, je vous donnerai peut-être une place de conseiller à la comptabilité. Si vous voulez me laisser passer. Bah, vous n'allez pas me séquestrer, non? Bah, s'ils le font, on vous séquestrera. Nous, la nationalisation, l'autogestion, on n'en a rien à foutre. Ce qui nous intéresse, c'est que vous restiez patron. Alors tant que vous n'accepterez pas, grève illimitée. Peut-on vivre sans patron, sans dirigeant? C'est un extrait du film de Jean-Yann, hein. Moyen à vouloir des sous, où le patron décide de claquer la porte et explique à ses employés qu'ils peuvent très bien s'auto-diriger, finalement, qu'ils n'ont pas besoin de lui. On n'est pas très loin de ce qui est imaginé par Ayn Rand à Alain Laurent, et la question qui se pose, c'est de savoir, mais ce qu'elle nous dit, elle, est-ce que c'est de... Ce qu'elle nous dit, est-ce que c'est que les patrons eux-mêmes seraient finalement irremplaçables? Ou ce sont les intellectuels? De quel usage de la raison s'agit-il vraiment ici? Oui. Alors, dans l'optique d'Ayn Rand, il y a patron et patron. Dagny Taggart et Hank Reardon sont les patrons d'entreprise, mais ce sont des gens qui payent de leur personne, qui sont toujours sur le terrain, qui payent très bien, d'ailleurs, les gens qu'ils emploient, et ils n'ont rien à voir avec des gens qui se contenteraient de percevoir des jetons de présence dans des conseils d'administration ou de se livrer à la spéculation financière. Donc, ce sont vraiment des créateurs. Ils créent de nouvelles lignes, ils créent un nouveau métal, etc. Donc, c'est ça qui est l'essentiel. Donc, le propos n'est pas de dire « nous avons besoin des patrons pour tenir bon dans cette société ». C'est pas le fait d'être patron. C'est pas le fait d'être patron. Patron est un élément second. Ils sont patrons parce que, en effet, au préalable, ils ont créé quelque chose d'innovant et dont ils veulent faire bénéficier, en effet, le monde, encore une fois. Donc c'est pas juste maintenir l'ordre établi, c'est favoriser l'ordre instauré par ceux qui utilisent leur raison pour réussir. Voilà, oui, si vous le voulez. Et alors c'est pas conscient dans leur esprit, parce que c'est John Gould qui fait leur révéler que eux-mêmes sont les artisans, les ouvriers de la raison. Ils le font sans le savoir, mais c'est tout de même dans les faits ce qui se passe effectivement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les rapports qu'ils entretiennent avec les gens qui travaillent autour d'eux. Et le paradoxe, c'est que, alors, Ayn Rand elle-même, lorsqu'elle a composé son roman, voulait absolument savoir comment ça se passait dans les vraies lignes de chemin de fer. Elle a conduit, elle s'est fait inviter dans la cabine de conduite d'une locomotive, elle a traversé la moitié des États-Unis, comme ça, elle a dit que c'était le plus grand, pratiquement le plus grand événement de sa vie. Et elle est en admiration devant tous les cheminots qu'elle emploie, et on en parlera peut-être à la fin dans cette sorte d'utopie qui s'est réfugiée dans les fins fonds des montagnes rocheuses, qui s'appelle Atlantis, où se rassemblent tous ceux qui ont déserté, qui ont disparu. Mmh. Eh bien, l'une des figures importantes, aux côtés d'un compositeur, d'un banquier, d'un ingénieur, c'est un cheminot. Celui est un conducteur de locomotive. J'insiste lourdement là-dessus parce que ça renvoie tellement à l'actualité. Et c'est un conducteur de locomotive qui a la présence d'esprit non pas d'éviter un gigantesque accident, mais de pouvoir parer au plus pressé. Et évidemment, celle qui l'emploie, Dagny Taggart, l'en est infiniment reconnaissante. Et alors pourquoi fait-il grève, lui, ce cheminot? Ils étaient poussés à faire grève par des idéologues qui voulaient que l'on collectivise cette entreprise. Et ce sont les cheminots eux-mêmes, ils sont presque en grève contre la grève. Ils refusent de faire grève parce qu'en effet, nous sommes bien payés, nous sommes aux commandes. Celle qui dirige l'entreprise, Dagny Taggart, est toujours en train de chercher à améliorer les choses. On est meilleur que les autres lignes concurrentes, donc c'est un système américain où les lignes de chemin de fer sont privées. Et parfois, il peut y avoir deux lignes parallèles qui sont en concurrence. Et là, en effet, les concurrents cherchent à les abattre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les capitalistes n'aiment pas tellement la concurrence. Donc, il y a ça qui est mis en scène et en jeu dans le roman, voyez-vous. Ça veut dire que c'est un roman qui, bien loin d'encourager à faire la grève, propose un univers dans lequel la grève est inutile, en réalité. Oui, c'est en ça que c'est assez utopique. Si tout le monde était comme les deux entrepreneurs en question, Crédon et Dagny Taggart, en effet, ça n'en aurait nul besoin. Alors, c'est pas d'autogestion dont on parlait tout à l'heure, mais ce sont des gens qui sont contents de travailler parce qu'ils sont reconnus, en effet, comme élément indispensable à la bonne marche de l'entreprise. Je ne juge pas du tout exploité. Et ils sont furieux de voir, en effet, qu'on veut les pousser à détruire leur outil de travail, comme on dit si bien dans le syndicalisme. La philosophie d'Ayn Rand, qui est présente dans presque chacune des lignes de ce roman, repose sur plusieurs piliers. On l'a compris, l'importance accordée à la raison, plus que cela même, c'est ce qui compte. Et un homme qui vit selon sa raison, qu'il soit artiste, entrepreneur ou constructeur, est celui dont la vie mérite d'être vécue. Quasiment, elle va aussi loin que ça, et c'est pour ça qu'elle agace tellement beaucoup de monde. Je vous propose qu'on entende sa voix. C'était en 1951, lors d'une interview à l'Université de Michigan, un entretien dans lequel elle revient sur l'évolution de l'histoire de la philosophie, ce qu'elle en retient, et dans lequel elle présente Kant, Emmanuel Kant, comme étant le destructeur de la raison. Les philosophies du monde occidental se sont progressivement orientées vers le mysticisme depuis la Renaissance. La Renaissance fut le résultat intellectuel de l'influence aristotélicienne, l'influence de la philosophie d'Aristote, qui a effectivement détruit le Moyen-Âge et permis l'avènement de la Renaissance. Mais depuis ce moment-là, tandis que les hommes et la culture en général accomplissaient des progrès incroyables qui ont culminé au XIXe siècle, grâce à l'influence aristotélicienne, les intellectuels, depuis Emmanuel Kant, se sont de plus en plus opposés à la raison. Cette tendance précède Kant, bien sûr, mais je considère Kant comme le destructeur crucial et le tournant décisif. C'est le philosophe qui a ébranlé la validité de la raison. Il n'y est pas vraiment parvenu, mais son système est le plus à même d'expulser la raison hors de la scène philosophique. Et dans la mesure où d'autres philosophes et intellectuels ont accepté ces postulats de base, ils ont depuis progressé vers un monde nouménal et mystique. Alain Laurent, je m'adresse aux philosophes que vous êtes. Alors non seulement aux philosophes spécialistes des pensées libérales, mais aux philosophes aussi historiens de la philosophie, j'imagine. Vous avez une formation de philosophe, vous avez étudié Emmanuel Kant à l'université. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce qu'elle dit, la façon qu'elle a de présenter ce qu'elle pense, est un contresens par rapport à la pensée kantienne? À aucun moment Kant n'a détruit la raison, il a au contraire tout fait pour solidifier la validité de la raison. Et le mysticisme dont elle l'accuse d'avoir été le chantre est précisément ce contre quoi Kant se battait. Oui, je suis tout à fait d'accord. Personnellement, je me définis souvent comme un grand kantien, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Dans la biographie intellectuelle que j'avais publiée d'elle, en effet, je critique de ce point de vue-là, ce qui m'a fait très mal voir par les adulateurs d'Ayn Rand aux États-Unis, puisqu'il y a un côté sectateur, un côté culte. C'est un comble. Oui. Mais elle l'avait même parfois un petit peu encouragée, ah vous oui. savez. Bah, j'ai beaucoup apprécié Ayn Rand, je ne suis pas qui aime bien châtie bien. Donc, en effet, donc je ne suis pas aveugle sur les côtés négatifs qu'il peut y avoir parfois. Peut-être moins dans son œuvre que la manière dont elle s'y est prise pour la composer et l'exposer. Alors là, si on en revient, au fond, on pourrait très bien dire sur le plan philosophique, c'est Aristote versus Kant. Mais ce qu'on peut lui reprocher sur un plan pratique, c'est probablement de ne pas avoir lu Kant. Ah, c'est un problème alors. C'est loin qu'on puisse dire. On le définit comme le destructeur de la raison. Elle est loin d'être seule dans ce cas, mais ce sont des lectures de seconde main où il peut y avoir si Salade peut-être un retour au texte. Mais ce qui m'avait frappé personnellement, en bon philosophe, c'est qu'il n'y avait jamais de référence précise et à des textes d'Aristote. Voilà, à tel endroit, il a dit ceci, plus loin, il dit cela. Donc, ce sont plutôt des résumés, ce qui m'a laissé soupçonner que, tout de même, ces références à Kant... Alors, on voit bien pourquoi elle n'aime pas Kant, parce qu'il y a deux piliers dans la pensée philosophique d'Ayn Rand. Il y a ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire cette passion de la logique. Hein. John Gall, son personnage, est quelqu'un qui dit « Je ne jure que par la logique et je ne me rends qu'à la logique ». Puis, il y a quelque chose d'autre qui est le vivre pour soi, le fait que par nature, on revient un peu à l'aspect aristotélicien, par nature, un être humain doit, c'est sa finalité, s'accomplir. On ne peut s'accomplir qu'en vivant pour soi, avec deux précautions essentielles. D'une part, vivre pour soi, ça ne veut pas dire ne vivre que pour soi, mais ça c'est le point de départ, c'est l'assise fondamentale, vivre pour soi, et en même temps reconnaître aux autres un droit égal à vivre pour eux-mêmes, tout ça se passant entre individus qu'elle appelle égoïstes et qui se respectent mutuellement. Chacun pour soi, respectons-nous les uns les autres. Chacun pour soi d'abord, ça renvoie à, je crois que c'était le premier roman de Catherine Pancol, « Moi d'abord ». Et j'avais beaucoup défendu à l'époque, je disais « Moi d'abord », ça ne veut pas dire « moi seulement », ça veut dire « je compte aussi, moi ». Hein, qu'on me prenne en compte. Alors, en gros, c'est ça ce que Ayn Rand essaie d'avancer. Et de ce point de vue-là, Kant se trouve sur son chemin, on y revient, puisque, en effet, d'un point de vue kantien, le vivre pour soi est quelque chose qui n'a pas de légitimité. Elle considère Kant comme un prêcheur d'altruisme, alors que l'un des objets premiers... Ce qui est un contresens également. Du combat, en grande partie, oui. Il y a des moments chez Kant aussi. Alors moi, j'ai fait une recherche très, vraiment dans le texte, que Ayn Rand, malheureusement, n'a pas fait. Et c'est vrai que parfois, il y a quelque chose d'ambivalent. Mais, malgré tout, c'est quelque chose... Moi, je l'ai mis dans ma biographie. Hein, c'est quelque chose de tout à fait injuste, alors qu'en effet, comme vous le disiez bien tout à l'heure, Kant a plutôt prêché exactement l'inverse. Alors, que fait-on pour la sauver dans ce cas? Parce que si vous en parlez encore aujourd'hui, c'est qu'elle a bien des qualités philosophiques autres que sa lecture de Kant qui n'a jamais eu lieu. Oui, alors... Qu'est-ce qu'on retient d'elle, philosophiquement? Ce qui tient le coup, parce que ça va tellement contre les mauvais côtés de l'époque, c'est le fait de poser, à la manière d'Aristote, qu'il y a en premier le réel, l'existence existe. L'existence existe, ça veut dire qu'en effet, il y a quelque chose qui est là, qui est indépendant de l'esprit, qui n'est pas un produit de l'esprit, et l'être humain ne peut rien faire s'il ne cherche pas à constater déjà le réel, à prendre en compte le réel, à essayer de le comprendre. Vient le deuxième temps, pour comprendre le réel, eh bien, il n'y a que la raison. D'ailleurs, souvent, Ayn Rand parle de la rationalité, de la vertu de rationalité, ce qui est peut-être un petit peu plus concret. Donc, grâce à la raison, il s'agit de comprendre le réel. C'est la seule condition à laquelle on doit se plier pour pouvoir, en effet, on vient à l'accomplissement de soi, la créativité. On peut rien créer si, en effet, on ne part pas du réel et si on ne le respecte pas. Alors, ce qu'elle développe assez longuement, y compris d'ailleurs dans le fameux discours de John Gould, oui, à la fin du roman, c'est que ce réel, grâce à la raison, lui apparaît structuré, organisé selon des lois, en particulier la loi d'identité. Alors c'est pourquoi elle revient à la logique d'Aristote. Pourquoi elle s'est adressée à Aristote ? C'est ça qui est intéressant. Mais elle avait fait connaissance d'Aristote lorsqu'elle était étudiante à l'université de Saint-Pétersbourg entre 1919 et 1920, et elle avait suivi un cursus important de philosophie. Elle était étudiante en histoire et en cinéma, et en même temps, par intérêt personnel, elle s'était intéressée à Aristote. Et plus tard, donc entre ces deux grands romans, entre la Source vive et puis La Grève, à un moment donné, je disais, mais comment je peux davantage fonder et enraciner de façon rationnelle ce qui se passe avec l'être humain? Pourquoi est-ce que l'être humain doit chercher à s'accomplir? Mais derrière tout ça, il y a l'idée de nature humaine. Et à ce moment-là, elle est revenue à Aristote, tout en étant lucide, puisqu'elle disait lui, dans un passage lu tout à l'heure, qu'il y avait des parties de la philosophie d'accord avec d'Aristote, oui. En particulier sans doute dans l'ouvrage politique qui s'appelle Les Politiques d'Aristote, hein, qui est tout à fait holiste, dirait-on, où l'individu est tout de même une petite partie de la cité, ça sans doute, visiblement, elle n'y adhère pas. Donc, en effet, c'est essentiellement... Alors, d'une part, il y a ce qu'il y a dans l'éthique à Nicomaque, où, en effet, il est présenté que l'homme doit être le premier ami de lui-même, et après, la philosia, c'est pratiquement l'égoïsme selon Ayn Rand, et puis, en effet, tout l'aspect de la logique. Donc, à ce moment-là, elle s'est dit, mais je ne peux pas, par mes seuls propres moyens, arriver à comprendre ce qu'est la nature humaine et le réel. Tout est déjà dans Aristote que j'avais lu il y a une vingtaine ou trentaine d'années, puis il y est retourné. C'est comme ça que Aristote, et le nom d'Aristote scande pratiquement tous ses écrits. On le trouve partout. Mais là où elle s'en distingue, c'est qu'elle propose ce qu'elle appelle l'objectivisme. C'est un système philosophique. Oui. Elle fonde un institut d'objectivisme, il y a un journal d'objectivisme. Oui. Alors, le mot n'apparaît pas dans La Grève. C'est un terme qu'elle forge elle-même, et à un moment donné, j'ai choisi le terme objectivisme pour définir ma philosophie, puisque objectivisme renvoie à ce réel qui est indépendant de l'esprit, qui n'est pas un fantasme, et qui, sans nous commander, doit être pris en compte dans notre action courante et surtout dans tout ce qui concerne la créativité. C'est un grand optimisme de penser que la raison nous permet de connaître le monde tel qu'il est. Et Ayn Rand est quelqu'un d'incurablement optimiste. D'ailleurs, La Grève se termine, il y a un happy end tout à fait hollywoodien. C'est le moment de rappeler qu'elle a travaillé comme scénariste à Hollywood. Elle a fait ses débuts aux États-Unis comme ça, auprès de Cécile B2000. Elle a longtemps été scénariste. Elle-même a participé à l'adaptation de son roman La Source vive. Donc elle était étudiante en cinéma. Elle est partie de Russie, de la Russie soviétique, à cause du cinéma. On n'avait plus le droit de voir des films américains. Et puisque je ne peux plus voir des films américains en 1920, eh bien, je vais aux États-Unis. Et sa grande idée, c'était de rejoindre le plus vite possible Hollywood. Faut-il toujours aider son prochain ? Non, si celui-ci le revendique comme un droit ou une obligation morale à laquelle vous seriez soumis. Oui, si c'est votre désir, fondé sur la joie égoïste que vous procure sa reconnaissance et ses efforts. Souffrir en soi n'est pas une valeur. Le combat de l'homme pour ne plus souffrir en est une, en revanche. Si vous choisissez d'aider un homme qui souffre, faites-le parce qu'il le mérite, ou parce qu'il fait ce qu'il faut pour aller mieux, parce qu'il a déjà prouvé qu'il était un être raisonnable, ou bien parce qu'il souffre injustement. Votre action deviendra alors un échange, puisque les vertus de cet homme lui vaudront votre aide. Mais aider un homme qui n'a pas de vertu, l'aider uniquement parce qu'il souffre, accepter ses fautes, ses besoins comme des revendications, c'est accepter qu'un moins que rien détienne une hypothèque sur votre système de valeurs. Un homme qui n'a pas de vertu est un ennemi de la vie, dont les agissements sont mortifères. L'aider, c'est cautionner ce qu'il y a de plus mauvais en lui et c'est soutenir son œuvre de destruction. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Adèle Van Rett. Faut-il toujours aider son prochain ? La réponse à cette question n'est pas la mienne, c'est celle de John Galt, donc le héros du roman La Grève, qui exprime ici la pensée d'Ayn Rand, quand même, de son auteur, hein, Alain Laurent. Donc les choses sont assez claires, il y a un véritable code moral, d'ailleurs le mot est employé. Voilà comment il faut agir, et par exemple, on aide quelqu'un qui souffre uniquement si celui-ci a tout fait pour s'en sortir. Il y a une évaluation morale, on n'a pas encore prononcé le terme, hein, qui précède quand même l'agir pour Ayn Rand. Il y a quand même une dimension morale très très forte et impitoyable. Oui, en tout cas, tout à fait rigoureux, encore qu'elle-même n'ait pas toujours pratiqué cela. Elle a beaucoup aidé de personnes, mais sans doute parce qu'elle mettait en œuvre cette philosophie morale, à savoir, on se soucie d'autrui dans la mesure où ça participe de notre propre accomplissement. Et ce contre quoi elle se bat, dont elle l'appelle explicitement l'altruisme, mais en le prenant la lettre, et selon la définition même qu'on a donnée Auguste Comte, le créateur du mot, vivre pour autrui. Donc il y a un choc fatal entre le vivre pour soi dont on a parlé tout à l'heure, et le vivre pour autrui. Le vivre pour autrui, du point de vue d'Ayn Rand, c'est en effet renoncer à soi, devenir une sorte d'esclave, et c'est quelque chose de mortifère. Et on arrive à un autre couple philosophique important chez Rand, c'est, bon, qui est tout à fait classique, c'est l'antinomie entre la vie et la mort. Et pour elle, en effet, derrière ce qu'elle appelle l'altruisme, alors il y a un autre ennemi qui s'appelle le mysticisme, en tout ce qui renvoie à ce que Nietzsche aurait appelé, ou appelait en tout cas, un arrière-monde, donc quelque chose de tout à fait irréel, on est tout à fait en dehors du réel, et à ce moment-là, pour Ayn Rand, le retour à soi, ou le fait d'agir à partir de soi, entre nécessairement en conflit avec cette dépossession de soi qu'il y a, si l'on peut dire, dans l'altruisme va compris, dans ce côté masochiste qu'il y a, en effet, à penser qu'on est moins que l'autre. Et enfin, il y a un rapport au christianisme direct quand même. Hein. Faut-il toujours aider son prochain ? C'est un clin d'œil au texte religieux. C'est une antichrétienne absolue. Alors, ce qui est amusant, tout à l'heure, vous rappeliez qu'à 9 ans, elle avait dit je veux être écrivain. À 12 ans, elle a dit « Aujourd'hui, j'ai décidé d'être athée. » Ce qui fait qu'elle détonne dans le contexte américain. Et on ne compte plus le nombre d'ailleurs de chrétiens évangélistes fanatiques américains qui au début sont un peu séduits par Ayn Rand et puis qui finalement découvrent avec horreur que c'est une athée favorable à l'avortement, etc., pour lequel l'homosexualité ne pose pas le moindre problème. Donc il y a beaucoup qui l'ont rejeté à cause de cela. Mais si l'individu est le point de départ absolu pour Ayn Rand, est-ce aussi une fin ? Parce qu'elle parle quand même de justice, c'est-à-dire qu'elle vit quand même, elle élabore une pensée qui s'inscrit dans un monde où il y a autrui. Oui. Donc est-ce que ça veut dire qu'elle appelle un individualisme de principe comme point de départ ou comme point d'arrivée ? Je vais dire les deux. C'est pas la même chose. Les deux, parce que ce qu'elle pose, d'ailleurs... Parce qu'alors on n'a pas besoin des autres, c'est un point d'arrivée. Je vais en effet le reproche, c'est qu'elle pose le fait que l'homme individuel, donc, est une fin en soi. Ce qu'elle ignore complètement, c'est que Kant l'a déjà posé aussi. C'est ça l'un des reproches que je viens de faire. Alors, restons dans la perspective d'Ayn Rand. C'est pas moi seulement qui suis une fin en soi. Chaque être humain est une fin en soi. Et qu'est-ce que ça implique ? C'est au minimum, c'est une éthique minimale de ce point de vue-là, c'est de respecter l'autre en tant que fin en soi. Il n'a pas... Et non pas comme un moyen, dirait Kant. Oui, j'allais le dire. Je n'ai pas à être son moyen, mais lui non plus n'a pas à être mon moyen. Je n'ai pas à me servir de lui, sous-entendu, sans son consentement. Donc il y a un principe moral qui n'est pas très loin de Kant. C'est-à-dire que la vie d'autrui est à respecter en elle-même. Oui, ben c'est ce que je vous disais. En effet, je lui ai fait le reproche, parce que parfois, en effet, elle fait du Kant sans le savoir, parce que je ne sais pas qui elle lui a raconté ces histoires. Donc, je reviens à ce reproche. Elle ne l'a sans doute jamais vraiment Le Sinon l'a redécouvert, d'ailleurs moi je le dis explicitement dans la biographie que j'ai faite d'elle, Sinon l'a découvert qu'elle marchait sur ses traces. Mais surtout c'est contradictoire avec son propre rationalisme, parce que dans un rationalisme rigoureux, rien n'implique de respecter autrui, il faut faire rentrer autre chose que la raison ici. Elle a l'air de redouter tout ce qui ne relève pas du domaine de la raison et de le taxer de mysticisme. Or, oui. Tout ce qui n'est pas rationnel n'est pas forcément mystique. Le réel lui-même n'est pas forcément que rationnel. Et elle en arrive à la contradiction suivante. La raison est le premier rapport au monde, c'est la seule façon de connaître le monde, mais il faut quand même respecter autrui. C'est pas rationnel, le respect. Ça s'explique de manière suivante. C'est-à-dire qu'elle, elle ne part jamais subjectivement de l'individu qu'elle est. Elle dit toujours, d'ailleurs, dans le texte, l'homme. Et c'est pour ça qu'elle est revenue à Aristote. Qu'est-ce que c'est que la nature humaine? Et cette nature humaine, eh bien, elle définit chacun des individus qui constituent l'humanité. Donc, à partir de cela, chaque individu... C'est ça, d'ailleurs, le grand problème que peut poser philosophiquement et moralement l'individualisme. Les grands penseurs de l'individualisme sont des gens qui pensent que, en effet, il ne s'agit pas simplement de moi, c'est pas du tout un subjectivisme. Mmh. Et puisque ce n'est pas un subjectivisme, on vient d'ailleurs au lien et cette altérité entre le subjectivisme. Quel combat? Et puis l'objectivisme, le terme par lequel elle a défini sa... sa philosophie. Oui, c'est pas elle en tant que personne et de subjectivité, c'est chaque individu voilà. Pris pour lui-même. Voilà. Oui. Une forme d'abstraction en fait qu'elle revendique dans sa pensée. C'est pas elle incarnée dans un corps. Oui, mais toutes les philosophies morales sont en effet des abstractions. D'ailleurs, elle-même dit mais il n'y a que l'abstraction qui peut nous permettre de vraiment comprendre ce qu'est le monde. Alors pourquoi un roman dans ce cas, si on revient à la grève? Parce que sa vocation première était d'être romancière et je crois qu'elle a. Écoutez, on va prendre par exemple des gens qui passent pour être proches d'elle sur le plan économique comme Hayek ou Mises. Mais quel Américain connaît Hayek ou Mises? 0,001%. Hayek? Il n'est pas davantage connu, non? De quelques étudiants d'économie, c'est tout à fait microscopique. Elle rentre, tout le monde la connaît, mais si on ne l'aime pas. Autrement dit, sa vocation, c'était tout de même la littérature, le roman. Dès 1936, elle avait publié un roman, d'ailleurs, en partie autobiographique, qui s'appelait « With the Living, nous les vivants ». Ça avait marché modérément, mais pas mal, ça l'a encouragé. C'est quelqu'un qui vivait aussi par la fiction, parce qu'elle avait fort bien compris qu'on souhaite infiniment mieux comprendre si on illustre sa pensée, si possible avec un suspense. Ça, elle a appris ça à Hollywood, elle a appris la technique à Hollywood. Et à ce moment-là, elle pensait, et ça a été confirmé par la réalité, elle pensait qu'elle aurait beaucoup plus d'influence, qu'elle se ferait mieux comprendre et qu'elle pourrait amener des gens à sa pensée par ce moyen-là, alors qu'autrement, elle n'y parviendrait pas. Donc elle avait quand même le souci de parler au plus grand nombre. Absolument, absolument. Pas d'élitisme dans sa posture? Il y a pas le moindre élitisme. Et d'ailleurs, ça marchait. Moi, j'étais toujours surpris. Il y a un philosophe de nos contemporains, Dominique Lecourt, qui raconte d'ailleurs, à propos de l'égoïsme chez Rand, il raconte ceci. Et moi, j'ai pratiquement vécu la même chose. Il se trouvait à attendre son avion à l'aéroport Kennedy à New York, et il va prendre un verre quelque part. La barmaid arrive, elle découvre Dominique Lecourt en train de lire, c'est sans doute la grève, elle dit, mais monsieur, vous avez d'excellentes lectures, c'est-à-dire la barmaid, c'est-à-dire quelqu'un qu'on peut présenter comme étant sans apport créateur en soi, connaissait Ayn Rand, aimait Ayn Rand, puis prend sur elle de féliciter qu'on lise Ayn Rand. C'est-à-dire que le moindre Américain de base la connaît. Encore une fois, ça ne veut pas dire que forcément, on en parlait tout à l'heure, qu'il l'apprécie. On peut tout à fait la connaître, tout à fait compte. Puis aussi l'inverse. Ceux qui en ont entendu parler, qui sont pauvres, mais qui ne l'ont jamais lu. Sans doute Donald Trump. My morality. « Ma morale est basée sur la vie de l'homme en tant qu'étalon de valeur. Et puisque l'esprit de l'homme est son moyen de survie fondamental, je soutiens que si l'homme veut vivre sur Terre et vivre en tant qu'être humain, il doit tenir la raison pour un absolu. Je veux dire par là qu'il doit considérer la raison comme son seul guide d'action. et qu'il doit vivre selon le jugement de son propre esprit, que son but le plus élevé est la réalisation de son propre bonheur, et qu'il ne doit pas forcer les autres, ni accepter que les autres le forcent, que chaque homme doit vivre comme une fin en soi et suivre son propre intérêt personnel, rationnel. La voix d'Ayn Rand, c'était en 1959. Je vous ai demandé en début d'émission, Alain Laurent, si votre compagnonnage était peut-être usé au fil des ans ou si Ayn Rand était toujours de bonne compagnie pour vous, puisque vous avez tellement travaillé sur elle et vous en parlez régulièrement. Comment cohabite-t-on avec elle ? Personnellement, je cohabite de manière critique. De manière critique parce que, et on me l'a reproché, d'ailleurs je me suis pratiquement fait insulter par quelques amateurs français d'Ayn Rand, j'ai été cloué et piloré parce que, en effet, j'attirais l'attention sur quelque chose qui n'est pas, personne n'est parfait, et elle la première. Et pour revenir un tout petit peu à ce que nous disons, il y a un autre terme dont il faut souligner l'extrême importance, et moi ça me plaît particulièrement, cher Rand, on a parlé de la vie, de l'esprit, puis il y a également le bonheur. Oui. Elle employait le terme, en effet. Le bonheur, c'est ça qui signe l'accomplissement suprême de chaque individu. Et alors, moi, j'ai continué ce compagnonnage. Je vais publier prochainement une sélection de textes philosophiques inédits en français. Ça s'appellera « Une philosophie pour vivre sur la terre », ce qui veut tout dire. Loin de tout mysticisme, et la terre, c'est le réel, c'est le ici et maintenant où on peut trouver le bonheur à condition de suivre la raison et d'épouser le réel. Un compagnonnage critique, c'est sans doute le secret d'un mariage réussi, un mariage intellectuel, j'entends. Merci beaucoup Alain Laurent d'être venu nous parler d'Alain Laurent ce matin. Merci aussi à vous. On se quitte, alors on parlait de la grève des patrons, cette fois-ci on bascule, on va de l'autre côté, la grève des ouvriers, grève illimitée. Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment, grève illimitée, les bras fatigués délaissent la chaîne, les tours sont muets, grève illimitée, grève illimitée. Quand elle marche dans la rue, la colère, la colère. Quand elle marche dans la rue, la colère, la queue ses poings nus. La révolution, le mot est lâché en plein mois de mai. La révolution, entre les pavés, des fleurs vont pousser pour tous ceux qui font la révolution. La révolution. Quand on bâillonne la colère, la colère, la colère. Quand on bâillonne la colère, elle fait le tour de la terre. Ce n'est qu'un début, on est toujours là, tenons le combat. Ce n'est qu'un début, nous avons le temps d'aller en prison. Nous avons 20 ans, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosnay-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Quelque chose vous manque et vous avez besoin d'en parler. Eh oui Adèle, j'ai besoin de sommeil. Chaque matin, que j'ai dormi 4 heures ou 8 heures, c'est une torture. Il m'en faut toujours plus de temps au lit, plus de temps à ne rien faire, à ne pas penser. En feuilletant un livre qui vient de sortir, Éloge du retard de la philosophe Hélène Neuillet, j'ai été frappée par le titre d'une de ses parties, la deuxième précisément, Rêver de dormir. Dans ces quelques mots, j'ai alors vu noir sur blanc ce qui m'arrivait depuis quelques temps. Le sommeil n'était plus seulement ce que je devait faire durant l'une des moitiés de ma journée, un besoin naturel et nécessaire à satisfaire, comme pourrait le dire Épicure, il était devenu un rêve, un souhait presque inaccessible, surréaliste, comme si je demandais la lune, comment le sommeil est-il donc devenu un rêve, mon rêve ? Dormir, c'est un besoin aussi vital que boire, manger ou respirer. Mais en 50 ans, nous avons perdu 1h30 de sommeil et un Français sur trois est un mauvais dormeur. Des nuits sans sommeil, c'est le cauchemar d'Élise, d'Anthony et de Bénédicte. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est que de se lever et d'être en forme. On se dit, mais c'est pas normal d'être tout le temps fatigué. Comme le dit très bien pour sa part Hélène Leuillet dans son éloge du retard, en ouverture de sa partie sur le sommeil, celui-ci est devenu le mal du siècle. À force de vouloir tout faire dans l'urgence, de vouloir rentabiliser notre temps, de ne plus se déconnecter, on ne sait plus dormir, je cite. Le tout en nous reprochant pourtant de ne pas assez dormir, d'être épuisé et bien sûr de le dire tout le temps. Ce constat sans appel cruel m'a tout de suite interpellée. Dans les pages suivantes, la philosophe déplie ce mal du siècle, ce paradoxe d'un sommeil qui n'a plus rien de réparateur, devenu somnolence, abrutissement devant les écrans ou insomnie inefficace et souvent douloureuse. Que le sommeil redevienne repos, je reconnais ce qui est décrit ici dans ces pages. Mais je dois le dire, ce n'est pas du tout ce qui m'arrive aujourd'hui, non. Mon rêve de sommeil ne correspond pas à ça, à retrouver un temps pour dormir et pour mieux retrouver celui pour agir. Non, mon rêve de sommeil est beaucoup plus simple, mais peut-être plus difficile aussi. Je veux dormir tout le temps. Que le sommeil déborde, qu'il s'étale, qu'il soit le centre de ma vie, le seul objectif de mes journées. Et donc voilà, je me demande pourquoi, le sommeil est-il donc devenu mon but à accomplir coûte que coûte. La philosophie oublie souvent qu'avant la pensée, il y a le songe, qu'avant les idées claires et stables, il y a les images qui brillent et qui passent. Pris dans son intégralité, l'homme est un être qui non seulement pense, mais qui d'abord imagine, un être qui, éveillé, est assailli par un monde d'images précises et qui, endormi, rêve dans une pénombre où se meuvent des formes inachevées, des femmes qui se déplacent sans loi, des femmes qui se déforment sans fin. Bachelard a raison. La philosophie s'est beaucoup intéressée à la veille et à la plus haute activité de veille qui soit, la pensée. Et elle a du coup oublié cette autre activité de notre vie, tout aussi active justement, les songes. Mais j'aimerais ajouter à tout ça, à cet oubli, le sommeil, celui que je recherche tant mais qui a si peu fait parler de lui. Car oui, je me demande pourquoi donc je le recherche tant s'il n'a rien d'intellectuellement excitant et si en plus je ne suis pas vraiment fatiguée. Qu'a-t-il à me dire, à m'apporter? Il n'est pas forcément réparateur, il ne laisse parfois aucune image, aucun rêve. Et surtout, quand on y est, on ne le sait pas. Alors pourquoi en ai-je tant envie? En fait, je crois que le sommeil a ceci de paradoxal, je le veux lui. Assommant, de plomb, sans fin, un sommeil dont on a du mal à s'extirper. Mais celui-ci n'a pourtant rien d'exceptionnel, de remarquable, et je crois que c'est ça qui le rend, en tout cas pour moi, désirable. Il me frappe sans avoir rien de frappant. Voilà pourquoi je veux dormir. Je ne le veux pas pour aller mieux, comme on le demande aujourd'hui. Au contraire, je le veux lui, ce sommeil, sur le moment et pas en pensant à ce qu'il pourrait m'apporter de reposant ou de réjouissant. Le sommeil est en fait la seule occasion à mes yeux de faire un pied de nez, un barrage à tout ce qui nous assaille, suppose de l'attention, des efforts, de l'investissement. Mais c'est surtout l'occasion d'atteindre, sans alcool ni drogue, le vide, la neutralité. C'est un blanc épais qui ne laisse pas de traces et demande peu de choses. On fait beaucoup l'éloge de la paresse, de la discrétion, de la contemplation. J'aimerais bien qu'on fasse celui du sommeil car il est mieux que tout ça, il n'est rien et c'est ça qui est bien. Est-ce que vous aussi, Alain Laurent, vous aimez le sommeil, autant que Géraldine? Oui, alors je manque un peu la nuit, mais je corrige tous les jours par la sieste. Ah, c'est vrai, la vertu de la sieste. Des siestes voluptueuses, territoire sacré que personne n'a le droit d'envahir. On va suivre vos conseils. Le livre dont vous nous parliez, Géraldine. C'est Éloge du retard d'Hélène Leuillet et c'est paru chez Albin Michel. Merci beaucoup, Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Manon de la Salle aujourd'hui avec Isis Jourda, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda et Thomas Beau réalisent cette semaine pour vous à la prise de son. Aujourd'hui c'était U2 Diego Aclopez, à la lecture des textes Hélène Losseur, On se retrouve demain pour la suite de notre série sur la philosophie de la grève. Nous serons en compagnie d'Alain Pagès pour lire, étudier et parler de Germinal d'Émile Zola, Germinal ou les raisons de la colère. Ce sera demain à 10h sur les chemins de la philosophie. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission du jour en compagnie d'Alain Laurent sur la philosophe Ayn Rand et son roman La Grève. En vous rendant sur le site de France Culture, vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, pourquoi pas en dormant comme le conseiller Géraldine. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram où l'équipe des Chemins de la Philosophie vous attend et sera ravie de répondre à vos commentaires. À demain, 10h. Bonne sieste et surtout, restez à l'écoute sur France Culture.